الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، concernant le cours précédent, donc l'explication des noms d'Allah, Al-Qarib, Al-Mujib, dans Suratu As-Saba, j'avais un doute, verset 50, « قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ اِهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ » Donc c'est bien « يُوحِي ». Passons maintenant à l'étude des noms d'Allah, Al-Qahir et Al-Qahhar. وقد ورد القهار في ستة مواضع من القرآن الكريم يأتي ذكرها وورد القاهر في موضعين من القرآن هما قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. Parmi les noms d'Allah, il y a Al-Qahir et Al-Qahhar. Le nom d'Allah Al-Qahhar a été mentionné à 6 reprises dans le Coran. Quant au nom d'Allah Al-Qahir, il a été mentionné à 2 reprises dans Sourate Al-An'am. Le verset 18, « وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِ » Et c'est le dominateur suprême au-dessus de ses serviteurs. Et c'est lui le sage, parfaitement informé. Dans Suratu, toujours dans Suratu Al-An'am, il est le dominateur suprême sur ses serviteurs. Et il envoie sur vous des gardiens. وَالْقَهَّارُ صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ مِنَ الْقَاهِرِ وَمَعْنَاهُمَا الَّذِي قَهَرَ جَمِيعَ الْكَائِنَاتِ وَذَلَّتْ لَهُ جَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ وَدَانَتْ لِقُدْرَتِهِ وَمَشِئَتِهِ مَوَادُ وَعَنَاصِرُ الْعَالَمِ الْعُلْوِ وَالسُّفْلِ فَلَا يَحْدُثُ حَادِثٌ وَلَا يَسْكُنُ سَاكِنٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَ لَمْ يَكُنْ وَجَمِيعُ الْخَلْقِ فُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ عَاجِزُونَ لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا خيرا ولا شرا وكون تبارك وتعالى قهارا مستلزما لكمال حياتي وكمال عزتي وكمال قدرتي. القهار et القاهر, c'est-à-dire celui qui domine l'ensemble des choses et devant qui toute chose est humble, humilié et rabaissé. Toute chose a l'obligation de se soumettre à son omnipotence, à sa volonté. Il n'y a pas une chose dans la sphère supérieure, dans la sphère inférieure, sans qu'elle ne soit soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut se produire, rien ne peut rester immobile si ce n'est avec sa permission. Ce qu'Allah veut se réalise, ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. L'ensemble des créatures sont dans le besoin devant Allah et incapables face à lui. Nul ne possède pour lui-même le pouvoir de faire le bien ou le mal, d'être utile ou défavorable. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit Al-Qahhar découle forcément de cela comprend forcément qu'il a la perfection dans sa vie, dans sa puissance et dans son omnipotence. وَثُبُوتُ هَذَا الْوَصْفِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ يُعَدُّ شَاهِدًا مِنْ شَوَاهِدِ وَحْدَانِيَّةِ وَدَلِيلًا مِنْ دَلَائِلِ تَفَرُّدِهِ بِالْأُلُوهِيَّةِ وَبُطْلَانِ الشِّرْكِ وَاتِّخَاذِ الْأَنْدَادِ. Le fait d'affirmer pour Allah Al-Qahr est une preuve manifeste de son unicité. Et ça nous indique clairement qu'il est unique à mériter l'adoration, tout comme cela rend caduque le polythéisme et le fait de lui assigner des associés et des égaux. وقد ورد اسم الله القهار في ستة مواضع من القرآن الكريم مضموما في جميعها اسم الله والواحد. L'auteur nous dit que le nom d'Allah al-Qahar a été mentionné à 6 reprises dans le Coran. Et à chaque fois qu'on a mentionné ce nom-là, il y avait également les deux noms d'Allah, Allah et Al-Wahid. Al-Mawdi' al-Awwal ورد في سياق إبطال يوسف عليه السلام للشرك وبيان فساده وضلال أهله مخاطبا صاحبي السجن يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dans sourate Yusuf, dans un contexte où Yusuf alayhi salam rend caduc le polythéisme et expose clairement que c'est un égarement de ses acteurs lorsqu'il s'adresse à ses deux camarades de prison. Ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur? Des seigneurs éparpillés ou Allah l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. فبين لهما عليه السلام بطلان الشرك بقوله أرباب أي عاجزة ضعيفة لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع وهي متفرقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغير ذلك خير أم الله الذي له صفات الكمال ونعوت الجلال الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله لا شريك له القهار الذي انقادت جميع الأشياء لقهري وسلطاني. Yusuf alayhi salam leur a montré que le shirk, c'est le faux. Lorsqu'il leur dit « A'arbabun », est-ce que des seigneurs, c'est-à-dire incapables, faibles, ne possédant ni la capacité d'accorder le bien, ni d'être utiles, ni de donner, ni de retenir, des seigneurs différents et multiples, que ce soit des pierres, des arbres, que ce soit des anges ou des morts. Est-ce que tout cela est meilleur qu'Allah, c'est-à-dire celui qui a les attributs de perfection et les descriptions immenses, Al-Wahid, l'unique, c'est-à-dire dans son essence, dans ses attributs, dans ses actions, nul ne peut s'associer à lui. Al-Qahar, le dominateur suprême, c'est-à-dire celui devant lequel l'ensemble des choses s'humilie, se soumette devant sa domination, devant son pouvoir. Le second passage du Coran, في سياق بيان بطلان ما عليه المشركون من اتخاذ الأوثان والأنداد مع أنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ويتركون عبادة الله الواحد القهار وإخلاص الدين له. Le second passage du Coran, c'est dans un contexte où on nous montre le faux sur lequel se trouvent les associateurs lorsqu'ils accordent des égaux à Allah à travers les fausses divinités, alors que ces fausses divinités ne possèdent rien pour elles-mêmes, ni le pouvoir d'être, de donner le bien, ni le pouvoir de faire le bien, ni le pouvoir de nuire. Comment est-ce que ces gens-là peuvent se diriger vers des fausses divinités incapables et délaisser Allah ? Et délaisser l'adoration d'Allah seul, d'un culte sincère, alors qu'Allah c'est l'unique, le dominateur suprême. قال الله تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Dans sourate Ar-Ra'd, dit: qui est le seigneur des cieux et de la terre? Dit Allah. dit « Et prendrez-vous en dehors de lui des maîtres qui ne détiennent pour eux ni bien ni mal ?» dit « Sont-ils égaux, l'aveugle et celui qui voit ? Ou sont-elles égales les ténèbres et la lumière ? Ou donne-t-il à Allah des associés qui créent comme sa création au point que les deux créations se soient confondues à eux ?» dit « Allah est le créateur de toutes choses et c'est lui l'unique, le dominateur suprême. » قال ابن سعد رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية مبينا وجه دلالة اسم الله القاهر على بطلان الشرك فإنه لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده. ابن سعد رحمه الله تعالى dans son tafsir a expliqué en quoi le nom d'Allah Azza wa Jal Al-Qahir est une preuve pour rendre caduque le polythéisme. Il nous dit que l'wahda, que l'unicité, et le qahr, la domination, on ne la trouve que chez Allah seul. فَالْمَخْلُوقَاتُ كُلُّ مَخْلُوقٍ فَوْقَ هُو مَخْلُوقٌ يَقْهَرُهُ. Chaque créature a au-dessus d'elle une créature qui est plus forte ou qui la domine. ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه. Et au-dessus de ce dominateur, il y a un autre dominateur encore au-dessus de lui. حتى ينتهي القهر للواحد القهار. Jusqu'à ce que la domination absolue revienne à qui? À Allah, l'unique, le dominateur suprême. فالقهر والتوحيد متلازمان متعينان لله وحده. Ainsi, la domination et l'unicité sont deux choses qui vont toujours ensemble. Et qu'on se doit d'attribuer uniquement à Allah. فَتَبَيَّنَ بِالدَّلِيلِ الْعَقْلِ بِالدَّلِيلِ الْعَقْلِ الْقَاهِرِ أَنَّمَا يُدْعَى مِنْ دُونِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ الْمَخْلُوقَاتِ وَبِذَلِكَ كَانَتْ عِبَادَتُهُ بَاطِلَةً. Donc, Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala nous montre que toute chose en domine une autre. Mais cette chose elle-même qui domine a au-dessus d'elle une autre chose qui la domine, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à Allah, qui lui est le dominateur unique et suprême. Ainsi, là où il y a l'unicité, il y a la domination absolue, et tout cela n'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Avec cette preuve, à travers la raison, il ne subsiste plus aucun doute quant au fait qu'on se doit d'invoquer que Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qui a de rendeur d'Allah parmi les créatures ne mérite pas l'adoration. Al-mawdi'u al-thalith fi siyaq al-tahdid wal-wa'id al-kuffar al-mushrikin bil-halak wa hulul al-niqma bihim yawma yabruzuna lillahi al-wahid al-qahhar musalsalin bil-asfad min an-nar wa 'alayhim thiyabun min qatiran وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ. Le troisième passage du Coran, c'est un contexte dans lequel Allah Azza wa Jal menace et avertit les kuffars, les associateurs, de leur mauvaise situation, de la menace et de la punition qui tombera sur eux le jour où ils seront amenés à comparaître chez Allah, l'unique, le dominateur suprême. Ils seront attachés, enchaînés avec des chaînes de feu. Ils porteront des vêtements de goudron. Et le feu couvrira leur visage. Dans Sourate Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. Le jour où les cieux seront remplacés, ou le jour où la terre sera autre que la terre ainsi que les cieux. وبرزوا لله الواحد القهار. Et qu'ils seront amenés à comparaître chez Allah, l'unique, le dominateur suprême. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. Et ce jour-là, tu verras les criminels enchaînés avec des chaînes. Sarabilu min qatiran, leurs vêtements sera de goudron, watarsha wujuhahum an-nar, et le feu couvrira leur visage. Liyajzi Allahu kulla nafsin ma kasabat, afin qu'Allah rétribue chaque âme selon ce qu'elle aura fait. Inna Allah sari'ul hisab, certes Allah est prompt dans les comptes. Le quatrième passage, fi siyaq taqrir tafarrudillahi bil uluhiyya. Le quatrième passage, le contexte de la mention du nom d'Allah Azza wa Jal al-Qahhar, est pour démontrer l'unicité d'Allah dans la divinité, le fait qu'il soit le seul en droit d'être adoré. Qala ta'ala, qul innama ana munzir, wa ma min ilahin illa Allahul wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi, wa ma baynahuma al-azizul ghaffar. Dans Surat Sad, dit « Je ne suis qu'un avertisseur, point de divinité digne d'être adoré à part Allah, l'unique, le dominateur suprême, Seigneur des cieux et de la terre, et de ceux qui existent entre les deux, le puissant, le grand pardonneur. » قال ابن سعد رحمه الله تعالى في تفسيرها هذا تقرير لألوهية بهذا البرهان القاطع وهو وحدته تعالى وقهره لكل شيء فإن القهر ملازم للوحدة فلا يكون قهار فلا يكون قهاران متساويين في قهرهما أبدا فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له وهو الذي يستحق أن يعبد وحده كما كان قاهرا وحده. ابن سعد رحمه الله تعالى ندي. Ici, on nous enseigne l'unicité d'Allah dans la divinité. Et ceci est une preuve tranchante, irréfutable, de son unicité, élevé soit-il. Et du fait qu'il domine toute chose. Ainsi, la domination va toujours avec l'unicité. Celui qui domine tout le monde est toujours et forcément unique. Il ne peut y avoir deux choses qui dominent au même niveau, qui se valent parfaitement et totalement. Ceci est impossible. Celui qui domine toutes les choses sera forcément unique, seul, et c'est celui qui n'a pas d'égal, pas de semblable. C'est donc le seul à mériter entièrement l'adoration, du fait qu'il est le seul à dominer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné ces versets pour nous dire tout comme il est le seul à tout dominer, il est le seul à mériter l'adoration. Al-mawdi'u al-khamis warada fi hadha al-ism fi siyaq bayan tanazzuhillahi 'an ash-shirk. Le cinquième passage nous enseigne qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout polythéisme, de toute association. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. Dans sourate Az-Zumar, c'est à Allah qu'appartient la religion pure. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est grand menteur. Celui qui est menteur est grand ingrat. » Si Allah avait voulu s'attribuer un enfant, il aurait certes choisi ce qu'il veut, ou bien ce qu'il eût voulu parmi ceux qu'il crée. Gloire à lui, c'est Allah, l'unique, le dominateur suprême. Ou bien exempt soit-il de tout défaut, c'est lui Allah, l'unique, le dominateur suprême. Al-mawdi'u sadis fi siyaq at-tahdid wal-wa'id lil-mushrikin yawma buruzihim lillahi al-wahid al-qahhar la yakhfa 'alayhi subhanahu shay'un min a'malihim aw dhawatihim. Qala ta'ala يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. Le sixième passage du Coran est venu dans un contexte où il y a la menace adressée aux associateurs le jour où ils seront amenés à comparaître chez Allah l'unique, le dominateur suprême, et que rien de leurs actions ni de leur personne ne pourra être caché chez Allah. Dans Surat Ghafir, il nous dit, selon la traduction des sens du verset, le jour où ils comparaîtront sans que rien en eux ne soit caché à Allah. À qui appartient la royauté aujourd'hui? À Allah, l'unique, le dominateur. Ce jour-là, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Ce jour-là, pas d'injustice, car Allah est prompt dans ses comptes. وقوله في هذا السياق القهار أي لجميع المخلوقات الذي دانت له المخلوقات وذلت وخضعت خصوصا في ذلك اليوم الذي عنت فيه الوجوه للحي القيوم. La parole d'Allah ici est القهار, le dominateur suprême, c'est-à-dire que l'ensemble de ses créatures sont sous sa domination, soumises à lui, humiliées à lui, particulièrement en ce jour où les visages seront humiliés ou rabaissés devant le vivant qui subsiste par lui-même et sans lequel personne ne peut subsister. فَجَمِيعُ هَذِي الْمَوَاضِعُ أَسِتْ تَدُلُّ دِلَالَةً ظَاهِرَةً عَلَى التَّلَازُمِ بَيْنَ اسْمِهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ بَيْنَ اسْمَيْهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ فالواحد لا يكون إلا قهارا والقهار لا يكون إلا واحدا وذلك لا ريب ينفش Ces six passages nous montrent de manière très évidente et très claire qu'il y a un lien indéniable, indissociable entre les deux noms, Al-Wahid et Al-Qahhar. Celui qui est unique est forcément dominateur. Et celui qui est dominateur est forcément unique. Il ne fait aucun doute quant au fait que ces sens-là viennent rendre caduc totalement le droit à l'association, le fait de faire du shirk et d'accorder à Allah des égaux. وفي تقرير هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله لا يكون القاهر أو القهار إلا واحدا إذ لو كان معه كفء له فإن لم يقهره لم يكن قاهرا على الإطلاق وإن قهره لم يكن كفؤا وكان القهار واحدا. Pour finir, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit en ce sens dans son livre Sawa'iq al-Mursala: le dominateur ne peut être qu'unique, car s'il y avait avec lui un égal et que les deux se valent, alors cela signifierait que sa domination n'est pas absolue sur tout le monde, sur toute chose, au-dessus de tout. Et que on comprend donc de cela que s'il le domine et qu'il est au-dessus de lui, alors il est unique. Ainsi on comprend que le dominateur est forcément unique. Il ne peut y avoir un équivalent qui lui fasse face. وبهذا التقرير والعرض يتبين التلازم بين التوحيد والإيمان بسم الله القهار وأن من لازم إقرار بالتفرد بالقهر أن يفرد وحده بالعبادة وبه يعلم فساد الشرك فساد الشرك إذ كيف يسوى المصنوع من التراب برب الأرباب وكيف تسوى المخلوقات المقهورة بالله الواحد القهار تعالى الله عما يشركون وسبحان الله عما يصفون. Avec cette explication, cet enseignement nous apparaît d'une manière très claire le lien qu'il y a entre l'unicité d'Allah et la foi au nom d'Allah al-Qahhar. Ainsi, celui qui reconnaît qu'Allah est unique dans sa domination se doit de l'unifier dans le culte. Cela nous montre également le caractère caduque de toute forme de polythéisme. Car comment on pourrait dire que celui qui a été créé d'une boue moelleable ou bien de poussière est l'égal du Seigneur des créatures? Comment est-ce qu'on pourrait rendre égal la créature soumise à Allah, l'unique, le dominateur suprême? Élevé soit Allah au-dessus de tout ce qu'il lui accorde comme associé.